nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes, oui toutes, toutes les nuisances. Et je vais vous dire un truc, nous sommes le vendredi 29 mai 2015, et il est, oui, il est 21h20, oh oui, nuisance, viens maintenant, tout de suite, je veux te sentir au fond de la turpitude, merde. Je suis constipé. Arrête. Ah non, pas ça. Pas la constipation passagère. Pas la tisane herbesant. Pitié, tout sauf l'huile de foie de morue. Ah, ma mère pue de la gueule quand elle se brosse pas les dents. C'est horrible. Et ma merde, parlons-en de ma merde. Elle pue le cul. Ma merde pue le cul. Tu veux que je te le mette? Tu veux vraiment que je te le mette? Vas-y, mets-le toi-même. Se le mettre. Ah, j'ai dérapé. Ah non, tu vas pas commencer à être sérieux, toi. Prends une voix de merde. Tu sais, prends une voix genre. Je peux le faire comme ça? Et pas d'accent pourri, hein. Surtout pas allemand ou Viet Cong. Je suis à moitié raciste quand même, faut oublier. Tu peux faire un accent comme ta fille de pute. Pas tes putes. Mais ce serait pas un accent asiatique, ça? Qu'est-ce que t'as contre les Asiates? J'ai rien contre. Ah merde, pourquoi tu te fous de leur gueule alors? J'ai tout pour. Parce que moi je me fous de ma gueule, mais j'ai quelque chose contre moi. Asiatique. Je suis con. Je me déteste. Et toi, qu'est-ce que t'as contre les Asiates? Tu les aimes pas? Ils sont tous comme ça. Alors pourquoi tu te fous de leur gueule? Pourquoi? Dis-moi tout, monsieur. Pourquoi? Ouais, pourquoi pas après tout? Bah parce que... D'accord, parce qu'en fait, ça me suffit. C'est un peu comme les plats à emporter, en fait, c'est très agréable les Asiatiques. Ça me va aussi, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas trop. Non? Mais ça me va. Ça te va comme explication? C'est pas comme si je me détestais ou quelque chose comme ça, quoi. Ça n'a absolument rien à voir, je sais. Ah mais ça, c'est indépendant de mon verbiage, en complètement fait. Complètement indépendant, ouais. Voilà, j'en ai rien à foutre. Voilà, ouais, c'est ça, rien à foutre, ça c'est bon. Ça. C'est ton problème. Ça commence à être intéressant. J'en ai rien à foutre des Asiates. Ah, ça c'est bien, ça. C'est même très bien. Commençons par là. Nous n'en avons rien à foutre de personne. C'est pas inclusif, mais c'est pas exclusif non plus. Ouais, soyons un des exclusifs. C'est implosif. Soyons d'ailleurs, comme la soie dans le bonbon de la noix. Vraiment. Et à la noix. Je m'attache. Je m'attache. Le décolmatage. Dans le fion. Et toujours pendant ce temps-là, les turpitudes renaissent et naissent. Dans Nuisance, de 21h à 23h sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Je suis tenu par la loi à vous citer également le numéro de téléphone 05 61 53 36 95 et l'adresse le 40 rue Alfred Dumery 31400 Toulouse, France. Ah, oh. Ah, faut pas dire ça, hein. Ah non, faut pas dire ça, quoi. Ah, faut pas dire ça. Faut pas dire oh. Oh. Qui va là? Oh. Eh ben, qui va là? Qui va là pas? qui va pas là. Qui va pas là ? Qui va pas aller là. Qui n'a pas le droit d'aller là. Qui n'a pas allé là, droit là, pas là, droit là, ça là, salas, salacité. Satanas. Satan l'habite dans le cul. Satan l'habite dans le cul. Qui c'est qui a du... Du feu ? Et qui c'est qui a du... Du feu ? D'enfer. Pourquoi voilà. faire ? C'est défense de fumée ici, vous le savez très bien quoi. Quoi ? Défense de fumée, on défend la fumée ici. D'accord. Ah ouais, on fait la défense de la fumée quoi. Tu étais comme Marisol là, elle veut nous défendre de fumer partout là. Je suis comme ma merde, ma propre merde. Hey. Oh yeah. Hey. Oh yeah. Et donc c'est justement à ce moment là précisément que je me demandais mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là. Et j'ai toujours pas de réponse donc j'en ai rien à foutre. Je continue. Qui va là, qui va là. Bah tu vois, moi je me disais en fait pourquoi j'étais pas dans son cul à celle qu'on a croisée tout à l'heure. Oui. Toi tu t'en foutais. Oui, je m'en foutais. Moi j'ai arrêté de fumer donc du coup. La libido. Ouais, mais aussi il faut dire que elle avait un truc transparent où elle faisait exprès pour qu'on voit son abricot. Non, c'est pas vrai. Parce que et c'est pas violent pour elle si tu veux, c'est plutôt cool, c'était aéré, mais pour moi c'était violent. C'était vraiment très très violent. Mais c'est toi qui t'es fait violence toi-même en m'attendant son cul. Ouais, moi je m'en foutais parce que je m'attendais pas. Je voyais, c'est un petit peu comme de la nourriture. Ouais. À un moment donné, c'est au début c'est juste un besoin. Ouais. Mais après ça devient une envie quand c'est. C'est psychologique, c'est psychologique. Oh ouais. C'est psychologique, c'est vachement psychologique. Ouais. Oh ouais. Ouais. Et bah justement, tu vois la solution, il faudrait que ça soit comme ça. Oh ouais. Tu vois là le truc qui est en face de moi là. Ouais. Tu vois là. Ça, oh ouais. Et bah, je pourrais diminuer le volume de l'intensité de ma libido comme ça. Ouais. Je pourrais faire, m'en fous, rien à foutre. Regarde. Oh ouais. T'es comme la poubelle sur le trottoir. Hop, rien à foutre. Merci, c'est gentil. Bienvenue dans Nuisance. Je suis donc comme une poubelle sur le trottoir, rien à foutre. Voilà. Cool. Et tant qu'on ne te pousse pas, tu fais pas de bruit. C'est ça les potes. Ferme ta gueule. On peut compter dessus. Hein. Je ferme ma gueule, d'accord. Voilà. Non, c'est. Toujours aussi cool. Non, c'est bon. D'accord. Tais-toi. En fait, les éboueurs ne sont pas non. là. Regarde, non, des personnes gars. Qui te. On a rien à foutre. Rien à foutre. Alors qui c'est qui en a rien à foutre ? Moi j'en ai rien à foutre, je te remplis, je te fous. Ouais, je sais pas pourquoi tu es agressif, mais vas-y, hein, fonce et en remplis-toi plus chaud. Je suis pas agressif, si, c'est de l'amour. Non, c'est de l'amour. C'est de la merde. Sinon, je t'aurais rien dit. Bah, me dis si rien. Si j'en avais rien à foutre de toi, je t'aurais rien dit. Ouais, bah me dis rien. Je préfère. Be down, merci. Ouais, ouais. See the world everywhere. Everywhere, the world is full of it. Full of it. Anywhere, anytime, like. Anytime. Like tu sais que les gens ils en ont rien à foutre que tu parles un peu. Tu parles trop fort. Non parce que ça fait. C'est devenu ouais. mainstream maintenant. Pas la bête. Bon bah c'est bon, on peut se poser maintenant. Thank you. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est juste qu'on ne sait pas quoi. Thank you. anyway. It's not like we're ever gonna live forever. Who gives a fuck any day? It's not like we're really gonna give it away, you know. Give it away, no, no, no way. No way, I'll give it away. Alors 1, 2, 3, 4, moi ce que je veux c'est m'abattre avec une batte en aluminium, comme plutonium ou uranium. Et la dernière fois qu'on a fait péter ça dans les îles, ça a fait des poissons avec des chevilles. Tu vois ce que je veux dire, des chevilles grosses comme l'été. À Toulouse, en enfer, le 26 mai. C'est pas comme si on était là. Là de la lassitude, même qu'on n'est pas là. On est bien là, on est bien hal. Et ce soir on est bas. Alors j'ai pas accéléré le tempo, parce que je veux placer mes mots. M-A-U-X, mes mots, mon mal-être. C'est ça que je veux exprimer. Mais la dernière fois que je l'ai dit, les gens ils étaient pas contents. Alors maintenant j'arrête de dire les choses, je préfère être les choses. Les choses mal, les choses mal-être. Les choses qui sont mal, mal-être. Comme ça je suis bien, je suis mal, mal-être. Je suis bien dans ma tête. Maintenant, le trépas est pas loin. Il ne reste pas pas dedans. Et on n'est pas très en besoin. Alors que dire à part pas te faire foutre. On n'est rien d'autre que des loutres. Je vais me faire foutre en enfer. Car j'ai répondu au présent. Capitulation, capitulatoire, action. Ce n'est pas moi. Car il n'y a pas de guerre en enfer. C'est être la guerre. C'est être la guerre. C'est être la guerre. Être, c'est la guerre. Tu m'entends là? Ouais. Tu m'entends bien? Ouais, okay. Ah ouais, je t'entends, ouais, vas-y. Vas-y, ouais, tu m'entends. Ouais. Il aime ça. Allez, ouais. Ouais, ouais. Allez, si tu fumes du cannabis, tu vas rentrer dans notre vie. On débarque sur la piste, non, y'a pas de complice. T'inquiète pas, c'est normal, c'est notre style original. L'instinct, il est là pour faire perdre ton mental. Nous, on est hal, tranquille, normal. Et on posé, on est posé. Au bord de la Garonne, ce soir c'est la fête. Avec nos trois assistants, on en a assez plein. On a pris du Sud, Toulouse. On a pris du Mérite, Canal Sud, Canal Sud.net. Canal Sud.net. C'est net. Et on va pas se laisser faire. Ouais. On a rien à dire et on le sait. Mais ouais. C'est pour ça qu'on est mal né. Alors, maugréant, une exception à la règle. On va saigner du cul du sang. Con, Adrien, concombre, sanguinolent, il sort de mon trou du fion. Je n'ai rien dit encore, alors ne ne vas pas me nommer. Tu n'es pas de ceux qui savent naître. Je veux dire moi, je ne suis qu'un feu sous-jacent à contrôler, à diriger et jamais dans le passé, jamais dans le passé. Je suis là, ouais, toujours. Parle-moi d'habitude, c'est moi qui écoute là, qui écoute mes amis dire des stupidités. Là, trop près, là, bien. Ok, désolé. Non, t'inquiète, y'a pas été allé. On est toujours présent. On est toujours véhément. Toujours dans la matrice. Toujours, après tout, jamais. On sera là pour toujours, jamais. Le présent. À jamais pour toujours. Où est le Jack Da? On va crever. Où est le Jack Da? On va crever. pouvez oublier le Jack Da. Le Jack Daniel Niel. Fais péter, fais péter. Ok, ok, on n'a pas voulu, on n'a pas voulu, on n'a pas voulu, et pourtant on est déjà. C'est ponctuel, c'est déjà significatif, et effectivement ils n'ont pas relayé ça, parce que ce qui s'est produit chez nous, c'est le contraire. Tu n'as pas voulu être la chose de prédite, de prédire les choses, c'est notre avenir, avenir, avenir, avenir, avenir, qui ne restera pas dans les annales du bac, parce que le bac c'est de la merde, et nous on veut pas de ça, on veut de la vérité. Si on avait dit quelque chose depuis tout à l'heure. parce que. Et sans penser, on arrive à quelque chose, ouais. Sans forcer, parce que si on fonce, sans forcer, on arrive, sans forcer, on arrive, petit à petit, l'oiseau va faire son nid, on avance la famille, on fume la sensilia, en familia, on est apprécié, on fume le caïa, fumer, teaser, la défense. C'est ce qu'on affectionne. À soi. Un truc, ils font leur expérience. À soi, toi. À table, toi. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net avec le 3W devant point. Téléphone le 05 61 53 36 95. Je répète le 05 61 53 36 95. Il est 22h et 3 minutes et 3 secondes. 23h, il n'est pas. Les nuisances, c'est de 21h à 23h. Alors c'est pas fini, ça vient à peine de commencer. On va pouvoir dire fion. Bah enculé, il est 22h, les enfants sont couchés. Vive la France! Enculé! Elle a hâle pour vous là, on va vous mettre dans le mental. Ça va être dur. Vive la France, patriotisme, nationalisme, discussion, débat terrante, ineptie, incohérence. Mais ouais. Toujours la même chose. Toujours. Toujours la même chose. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit ce que je pensais. Parce que je ne pense pas, je suis un pauvre français con. Un pauvre con, c'est le président qui le dit, l'ancien, je veux dire monsieur. Qu'est-ce que tu dis encore? Non, on n'allait pas de ce côté, je n'ai rien dit. Le savais, mais toute la France est trompée. C'est du lard. Bande de con. C'est du lard, c'est moi le con. Ah, je suis la bande de fions à moi tout seul, ouais. Ouais. Je représente les pauvres cons. Les pauvres cons. On le balance, mais c'est là, chantera chez nous, les pauvres cons. Oui, pas les pauvres cons. Je représente nous sommes. Ils veulent du cash, ils veulent de la monnaie. Tous les joueurs, ils veulent du cash, ils veulent oui de la monnaie. Et pour ça, la solution c'est d'aller les voler. Voler les dépenses de tout ce qu'il y a dans la société. S'esclavagiser. Tous les joueurs, l'esclavage, ce n'est pas fini. Pour du fric. Vends ton nom, vends ta famille, vends ton patrie, vends ta nation. Mais tu tes ennemis, Zob. Parce que eux, ils te ratent pas. Et quand le choix, il parle sur toi, il met une balle. Il te met à terre, KO, et c'est fini. La vie, le rideau se baisse, et c'est le final. C'est là que c'est toujours la même chose. Accord, pour le. Toujours la même chose. Toujours la même chose. C'était toujours la même chose. On n'a jamais rien compris. Parce que le système d'éducation n'est fait que pour les riches. Oh merde, j'ai dit. Non, ça c'est politique. Il faut être artistique. Il faut être esthétique. Tic, tac. Le temps ne s'arrête pas pour vous, mes chers et tendres pauvres cons. Nous sommes les enculeurs de mouches et nous faisons le fion. Nous n'avons pas compris la dernière fois, vous avez refusé, un tant soit peu, notre ordre légitime, qui vient de Dieu. Mais écoutez-moi maintenant, car maintenant je vous mens. Je vous ne dis pas ce que je pense, car moi, je pense pour eux. Alors, écoutez-moi. Écoutez-moi penser pour vous. Écoutez-moi, vous n'avez rien compris. Vous êtes des cons. Parce que nous avons fait ainsi, nous, les riches et les pouvoireux. Nous avons plein de patries, plein de nations pour vous. Et plein de travail aussi. Esclavage. Non, ce n'est pas un esclavage. Golons. Gollum. Non, je ne suis pas Gollum. Je suis un enculeur de mouches et vous êtes les pauvres cons. Les pauvres cons. Les pauvres cons. Oppression. Oppression. Oppression. Oppression. Oppression. Oppression. Oppression. Oppression. Oppression. Qui va là? Oppression. On est là. Oppression. Qui va là? Oppression. On est là. Al. Qui va là? On est là. Al. Qui va là? On est là. Al. Qui va là? On est là. On sait pas quoi. Ra ra ra ra. Les pauvres cons, c'est nous. Thank you. Yeah.